force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Pourquoi as-tu peur des situations difficiles? Pourquoi as-tu peur des mystiques qui te combattent? Le Saint-Esprit qui est en toi, il est plus puissant que les démons, que les esprits de sirènes des eaux. Réveille-toi, commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à invoquer la puissance du Saint-Esprit qui va mettre en déroute toutes les forces sataniques qui te combattent ou qui cherchent à te bloquer. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Luc 4, 14 à 19. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons donc Luc 4, 14 à 19. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Nous allons voir six éléments essentiels qui démontrent l'œuvre de l'onction du Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Quand tu es chrétien, le jour où tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu l'onction. Il y a une onction générale que tous les chrétiens ont. Parce que l'onction, en fait, c'est la présence même du Saint-Esprit. Selon le Nouveau Testament. Mais il y a une onction spéciale. Lorsque tu veux que ton ministère atteigne une certaine dimension. Lorsque tu veux vivre certains miracles dans ta vie. Tu as besoin de cette onction. C'est une telle onction qui était sur la vie de Jésus. Et le Seigneur lui-même est prêt à répandre une telle onction. Je vais parler à toi, mon ami. Ça fait longtemps que tu es poursuivi par les puissances démoniaques. Ça fait longtemps qu'au niveau de ta famille, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui souffrent. Le Seigneur te dit, il va faire descendre sur toi une onction spéciale. Ne te néglige pas, il ne faut pas dire, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas prophétesse, écoute-moi bien, même si tu n'es pas pasteur, j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur veut faire descendre sur toi une onction spéciale où tu vas proclamer les messages de Dieu, une onction spéciale où le Seigneur va t'utiliser pour guérir même les malades, est-ce que tu comprends? N'aie plus peur, parce que l'onction de Dieu descend sur ta vie. Regardez ici, il y a deux expressions qui sont utilisées pour parler de l'onction du Saint-Esprit. D'abord, verset 14, il est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc ici, l'onction dont il est question, c'est le revêtement de la puissance. C'est-à-dire que Dieu déverse une puissance particulière, il te revêt de sa puissance. Et tu en as besoin ce matin. Et au verset 16, il est dit, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Tu vois, il faut que chacun de nous soit capable de dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Il m'a oint. Alors, il m'a oint pour faire quoi? Il y a six choses ici. Premièrement, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. La première fonction de l'onction du Saint-Esprit, c'est d'abord d'annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu qui commettent une erreur. Ils pensent que la première chose que l'onction fait, c'est de faire tomber les gens. Non, la première chose, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire de prêcher l'évangile, d'enseigner le peuple de Dieu. Donc, nous devons mettre l'accent sur ça. Et nous avons besoin de cette onction-là qui nous permet de parler, de présenter Christ, de prêcher la bonne nouvelle, vous voyez? Et tu as besoin de ça. Je vais dire à un jeune ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, tu vas voir, le Seigneur va faire descendre une onction spéciale pour briser la timidité que tu as. Et tu vas commencer à prêcher la parole de Dieu. Deuxième fonction de l'onction du Saint-Esprit, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, il y a des choses que la médecine moderne ne peut pas guérir. Quelqu'un qui a perdu, par exemple, son papa, sa maman, son fils unique, sa fille, il n'y a aucun médicament de la médecine moderne qui peut le guérir parce qu'il s'agit du cœur. Et ça, il n'y a que l'onction du Saint-Esprit qui peut guérir un cœur brisé. Et je vais parler à une jeune fille. Tu as été déçu par ton fiancé. Ça t'a fait tellement mal parce qu'il est sorti avec ton ami intime. Ça fait mal. Donc, tu as une plaie en toi. Mais j'aimerais dire ce matin, tu vas prier pour que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi pour guérir ta blessure. Parce qu'il m'a, il dit, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Et lorsque tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es un frère en Christ, tu peux prier pour que Dieu te donne cette onction pour apporter la guérison lorsque tu vas consoler les autres. Quand l'onction de Dieu est sur toi, les gens qui ont le cœur brisé, les gens qui se sentent abandonnés, les gens qui se sentent meurtris, ils vont recevoir la guérison de leur cœur. Les enfants qui souffrent parce qu'ils ont été rejetés par leurs pères, leurs parents, ils ont besoin de guérison intérieure. Et ça, c'est l'onction qui fait ça. Troisième fonction de l'onction, c'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez, les captifs, ce sont des gens qui sont des prisonniers. Prisonniers des démons, prisonniers de la sirène des eaux, prisonniers des maris de nuit, prisonniers des femmes de nuit, prisonniers des esprits de mort. Oui, c'est l'onction du Saint-Esprit qui permet de libérer cela. Et j'aimerais dire ce matin, nous allons prier, chacun va prier. Si tu sens en toi encore qu'il y a des chiens qui te retiennent, tu vas prier pour demander à l'onction de Dieu de descendre sur toi. Et tu vas voir, il y a quelque chose qui va se passer. Pendant que je parle maintenant, une onction descend sur une jeune fille. Oui, tu es malmenée par le mari de nuit. L'onction du Saint-Esprit descend sur toi pour briser maintenant les chaînes. Et le feu du Saint-Esprit descend sur toi pour neutraliser cet esprit de mari de nuit. Il doit te quitter maintenant parce que le temps de ton mariage est arrivé. L'onction du Saint-Esprit fait quoi? Quatrièmement, ouvrir les yeux des aveugles. Ici, il y a deux types d'aveugles. Il y a les aveugles spirituels et les aveugles physiques. Oui, il y a les aveugles physiques qui peuvent voir. Dans le ministère de Jésus, nous avons vu des mendiants comme Bartimée qui ont vu. Le Seigneur aujourd'hui peut guérir, ouvrir les yeux des aveugles. Mais il y a aussi les aveugles spirituels. Ce sont des gens qui ne peuvent pas percevoir les choses spirituelles. Tellement tes yeux sont aveuglés. Il faut l'onction du Saint-Esprit pour faire tomber les écailles qui sont devant toi. Je vais dire à un jeune garçon, écoute-moi bien. Tu veux forcer le mariage avec cette fille-là. Tes parents sont des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Ils ont discerné que l'esprit qui habite cette fille-là, c'est un esprit de séduction, de sirène des eaux. Elle risque de te rendre malheureuse. Mais toi, tu es aveuglé par ce que tu appelles l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est la séduction. Prie le Seigneur pour que les écailles qui sont sur toi tombent. Lorsque les écailles tombent, tes yeux vont voir. Et tu vas voir les choses cachées qui se trouvent chez cette jeune fille. Tu vas voir les choses cachées qui se trouvent même dans la vie de ceux qui viennent te flatter comme amis. Alors que c'est le diable qui les envoie pour te détruire. L'onction ouvre les yeux des aveugles. Cinquième fonction de l'onction, c'est pour rendre libres les opprimés. Vous voyez, il y a des oppressions. Parfois même les chrétiens sont opprimés. Il y a l'oppression sur le plan spirituel, c'est-à-dire que tu es opprimé, tu es combattu par les forces des ténèbres. Même les hommes de Dieu peuvent être opprimés. Vous voyez, il y a des gens comme Paul et Silas qui ont été opprimés en plein ministère. Je viens encourager un homme de Dieu. Ton ministère est combattu parce que le message que tu prêches ne plaît pas à beaucoup de gens. Dans ton église, il y a des gens qui sont des mystiques, qui se sont infiltrés même jusqu'au niveau du conseil. Méfie-toi de ceux qui viennent avec de l'argent. Ce n'est pas tous ceux qui viennent viennent avec beaucoup d'argent, qui viennent avec les intentions de faire du bien. Il y a certains qui viennent juste pour t'opprimer, pour attaquer ta famille, pour attaquer tes enfants. Oui, mais le Seigneur envoie l'onction pour libérer les opprimés. Il y a aussi ceux qui sont opprimés sur le plan physique. Lorsque tu acceptes Jésus, par exemple, si ta famille n'est pas d'une religion chrétienne, ils vont t'opprimer. Je vais parler à quelqu'un. Tu es opprimé par ta famille. Ils t'ont rejeté parce que tu as donné ta vie à Jésus. L'onction du Saint-Esprit va te libérer. Va te libérer de l'oppression au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à quelqu'un qui est opprimé par son patron. Parce qu'on te force d'entrer dans les cercles des homosexuels. On ne veut pas signer ton papier. Tu es opprimé, mais invoque le Seigneur. Invoque l'onction du Saint-Esprit. Il va te venir au secours. Et toi-même, tu verras comment le Seigneur lui-même va briser cette oppression. Et tu verras que les portes vont s'ouvrir. Et la nomination que tu attends, Dieu lui-même exigera. Il va lui-même incliner le cœur de tes chefs pour te laisser passer là où lui-même veut te positionner. Sixième élément. L'onction est là pour publier une année de grâce du Seigneur. Quand on parle de la grâce, c'est aussi la faveur divine. C'est-à-dire, il y a des choses où le Seigneur te les accorde là. Ce n'est pas parce que tu as mérité. Ce n'est pas parce que tu as posé un acte quelconque, mais c'est une faveur. Alors, il y a des années, comme ça on dit, des années de faveur, des années de grâce. Et chacun de nous, quand l'onction vient là, tu peux publier maintenant. Tu dis, cette année, c'est mon année. C'est mon année de grâce. C'est moi ici, c'est un mois de grâce. Tu publies cela. C'est-à-dire que ce n'est plus une année d'échec, hein, ce n'est plus une année de souffrance, une année de grâce. Je parle à quelqu'un, c'est moi pour toi. C'est un mois de grâce. Il y a des choses que Dieu va t'accorder qui vont te surprendre. Oui, parce que l'onction de Dieu vient. Viens sur ta vie. Tu vas publier cette année de grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ces cantiques pour l'adorer. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Sa puissance, la main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. Amen. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix. Bénis le Seigneur pour l'onction du Saint-Esprit. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, pour ta faveur que tu nous accordes jour après jour. Merci, ô Seigneur, pour ta grâce que tu ne cesses de nous manifester. Merci pour cette grâce que tu nous as manifestée en nous sauvant par Jésus qui a accepté de prendre notre place. Sois béni, ô notre Père, notre Seigneur, toi le Dieu qui nous rêvait de la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Toi qui ne nous as pas laissé des orphelins, mais qui nous a envoyé le Saint-Esprit de vie, par lesquels nous crions « Abba Père ». Oh, sois magnifié, toi qui nous as oint de la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Oui, merci pour la libération que tu nous accordes jour après jour. Nous glorifions ton nom, ô Père, pour ta faveur. Nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Dieu, notre Seigneur, toi qui nous as libérés. Sois béni, Jésus, toi qui nous as tirés de la cendre et qui nous as fait porter un diadème. Oui, tu es celui qui nous a placés à la droite du Père, avec toi où nous régnons. Oh, sois magnifié, notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu, plein de grâce, plein de miséricorde, que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous rappelons que notre texte de base, c'est Luc 4, 14 à 19. Nous sommes à notre émission de prière, OSB, Opération sur la brèche. J'encourage à ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application. Vous qui nous écoutez en France, au Canada, aux États-Unis, à Londres, au Maroc, au Royaume-Uni, informez des amis que désormais ils peuvent télécharger l'application Fréquence Vie. Ils vont dans Google Play Store et ils appuient, ils tapent Fréquence Vie, ils vont voir quelque part, ça va, le logo va apparaître et puis vous cliquez sur installer et l'application va s'installer sur votre téléphone Android ou sur votre tablette. Pour iOS, pour ceux qui ont les iPad et les iPhone, attendez d'abord, ce n'est pas encore possible. Que Dieu vous bénisse. Notre passage aujourd'hui parle de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est là pour annoncer la bonne nouvelle. Tu vas prier, chacun de nous va demander pour dire, Seigneur, donne-moi cette onction pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais que tu m'utilises maintenant pour prêcher la parole. Oui, même au niveau de mon travail, que je puisse prêcher la parole dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Grand Dieu, ce matin nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous élevons ton saint nom au-dessus de tous les noms. Toi qui es le Dieu d'éternité en éternité, que ton nom soit sanctifié. Nous prions ce matin ô Père éternel, non seulement nous te disons merci pour ton Fils que tu as offert en sacrifice pour nos péchés, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu, mais également pour le don du Saint-Esprit à tous ceux qui croient en ton nom. Nous prions ce matin, ô Père éternel, et nous demandons que l'onction du Saint-Esprit se manifeste véritablement dans notre vie, et que la manifestation de cette onction du Saint-Esprit nous permette de réaliser de grandes œuvres en ton nom. Que ton onction nous permette de proclamer ton évangile en toute liberté, d'annoncer tes grands faits partout où nous nous rendons, dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons que ton onction nous permette de proclamer ta parole dans notre lieu de travail, dans notre quartier, partout où nous nous retrouvons. Que par ton onction, des jougs soient brisés, des personnes liées soient délivrées au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la proclamation de ta parole édifie les cœurs et amène des personnes à découvrir quelle est la vérité en Jésus-Christ. Merci Père pour ce privilège que tu nous accordes avec ton onction. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. L'onction du Saint-Esprit est là aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu vas prier le Seigneur. Si toi-même tu te sens encore captif, tu vas prier pour que l'onction du Saint-Esprit descende. Et dans ta chambre là où tu es, pendant que tu vas prier, tu vas voir quelque chose va se passer. Il y a des chaînes qui vont tomber. Toi qui es dans une prison, tu rêves souvent que tu es dans une prison. Toi qui fais des rêves, que tu te retrouves dans l'eau. Oui, même cette nuit, tu as fait des rêves que les gens, oui, sont venus te prendre pour manger des viandes. Ces viandes que tu manges la nuit là, qui font que tu sois toujours malades, vont sortir parce que l'onction de Dieu va descendre. Invoque le Saint-Esprit, invoque son onction maintenant et que ces chaînes puissent tomber au nom de Jésus-Christ et que ceux qui ont le cœur brisé reçoivent la guérison. Prions le Seigneur. Toi la gloire ce matin, l'honneur ce matin, la puissance ce matin. Merci Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le paraclet qui sera avec vous, qui sera en vous, qui sera sur vous, et le recouvrement de la puissance. Nous en avons besoin Seigneur, parce que les cœurs sont tristes. Des gens sont malades, des foyers sont brisés. Nous te prions ce matin que ton esprit descende dans nos vies, maintenant, au nom de Jésus-Christ, que l'onction qui brise le joug descende maintenant pour que les chaînes soient brisées, les foyers soient réconciliés, notre Dieu, les morts ressuscitent, Seigneur, que notre Dieu, notre Père, les démons prennent la fuite. Saint-Esprit, agis ce matin. Saint-Esprit, agis ce matin dans la vie de ceux qui nous écoutent ce matin. Que ta main, que ton feu s'allume, que tes braises s'allument, que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là pour agir. Tu es là pour agir. Tu es là pour guérir. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au nom de Jésus. Amen. Amen. Chacun de nous va maintenant publier une année de grâce, un mois de grâce. Tu vas dire, Seigneur, c'est moi et pour moi un mois de grâce, de faveur dans mon commerce, dans mes affaires, dans mes études, dans mes projets, dans les études de mes enfants, dans mon foyer. Tu vas publier une année de grâce. Cela veut dire que tout ce qui était malheur passe. Maintenant, c'est la grâce, la faveur divine qui va se manifester, qui va t'accompagner. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci. Parce que le Saint-Esprit agit encore en nous. Le Saint-Esprit se manifeste encore. Le Saint-Esprit baptise des hommes et des femmes de feu, de puissance, d'autorité, de grâce et de faveur en ce jour. Père, merci. Parce que aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous publions une année de grâce de l'Éternel. Père, ce jour est un jour de publication d'une année de grâce, d'un jour de grâce, d'un mois de grâce pour cela. Maintenant, nous ordonnons à l'échec de capituler au nom de Jésus. Nous demandons à l'infécondité, nous demandons à l'infertilité, nous demandons maintenant à tout esprit qui empêche l'accouchement, la procréation d'être maintenant dépassé, de trépassé par la grâce de Dieu. Maintenant même, nous confessons que cette femme est visitée par la grâce de Dieu. C'est son mois de grâce au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons par l'Esprit de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, que c'est un jour de grâce, de guérison. La maladie passe, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie. Au son de cette voix, la maladie maintenant capitule. C'est le mois de grâce, de guérison, le mois de salut, de santé divine. Au nom de Jésus-Christ, la santé divine dans nos finances, la santé divine dans nos carrières, dans nos vies, partout dans nos ministères. Père, prends toute la gloire parce que tu es l'auteur de toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous allons vous retrouver demain. Au revoir. La puissance par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance par son bras puissant.